Cinquième partie, chapitre 10, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Cinquième partie, chapitre 10. Première considération sur l'excellence de notre âme. Considérez la noblesse et l'excellence de votre âme dans la connaissance qu'elle a de ce monde visible, des anges de Dieu, le Maître souverain et infiniment bon, de l'éternité et universellement de tout ce qui est nécessaire pour bien vivre en ce monde, pour s'associer aux anges dans le paradis et pour y jouir éternellement de Dieu. Votre âme a de plus une volonté capable d'aimer Dieu et incapable de le haïr en lui-même. Sentez bien la noblesse de votre cœur qui, ne trouvant rien parmi les créatures d'assez bon pour le satisfaire pleinement, ne peut trouver son repos qu'en Dieu seul. Rappelez hardiment les amusements les plus chers et les plus violents qui ont autrefois occupé ce cœur et jugez de sang-froid s'il n'était pas si mêlé d'inquiétude et de chagrin, d'ennui et d'amertume, que votre pauvre cœur n'y trouvait que de la misère. Hélas, notre cœur se porte avec beaucoup d'empressement au bien créé, persuadé qu'il est d'y trouver de quoi satisfaire ses désirs. Mais aussitôt qu'il les a goûtés, il en voit l'impossibilité. C'est que Dieu ne veut pas qu'il trouve son repos en aucun lieu, non plus que la colombe, sortie de l'arche de Noé, afin qu'il retourne à son Dieu, de qui il s'est éloigné. Ah, que l'excellence de notre cœur est grande, et pourquoi donc le retiendrons-nous contre son gré dans l'esclavage des créatures? Ô mon âme, devez-vous dire, vous pouvez parfaitement connaître et aimer Dieu, pourquoi donc vous amuser à ce qui est infiniment au-dessous? Vous pouvez prétendre à l'éternité, pourquoi donc vous fixer à des moments passagers? Ce fut l'un des regrets de l'enfant prodigue, qu'ayant pu vivre délicieusement à la table de son père, il se voyait réduit à manger les restes des bêtes. Ô mon âme, tu es capable de posséder Dieu, malheur à toi si tu te contentes de moins que ce que Dieu est. Élevez donc et excitez votre âme, qui est éternelle, à la contemplation et à la recherche de l'éternité, puisqu'elle en est digne. Fin du chapitre 10, cinquième partie.